Juste peut-être pour vous ramener à la page, j'aimerais que nous regardions sur un acétate l'endroit où nous nous situons pour dans le domaine de l'Apocalypse. OK. J'en ai plusieurs acétates ici, là. Ça n'est... J'ai préparé un que j'ai mis sur déjà sur les projecteurs, mais je pensais que peut-être si nous regardons juste très rapidement l'ensemble de l'Apocalypse pour vous situer où nous sommes. Ok? Alors si nous regardons l'ensemble de l'Apocalypse, nous avons divisé l'Apocalypse en trois, les passés, les présents, les futurs, les premiers chapitres, les passés, les deuxièmes et les troisièmes. Les choses présentes, les temps de l'Église. Puis ensuite, nous avons pris une partie entre chapitres 6 et 18 que nous avons appelé les temps de la grande tribulation. Et c'est cette partie ici, chapitres 6 à 18, que nous sommes en train d'étudier actuellement. Et dans cette partie particulière, chapitres 6 à 18, nous avons trouvé qu'il y a une série de trois. Une série de 3 fois 7, une série de 7 sons, une série de 7 trompettes et une série de 7 coupes qui sont toujours les sons, les trompettes et les coupes. Ce sont des jugements qui sont déversés durant la grande tribulation sur les mondes. Alors, nous avons regardé déjà l'ouverture des 7 sons, puis ensuite nous avons entendu les sons des 6 première trompette. Et la dernière fois, la semaine passée, nous avons arrivé à cette parenthèse ici, entre la sixième et la septième trompette. Maintenant, ce que nous allons regarder, c'est cette partie qui suit chapitre 11, verset 15, jusqu'à la fin, et voir, elle introduit la série des 7 coupes des jugements de Dieu. OK. Je vais vous les laisser ici pour votre... pour que vous puissiez les visualiser juste pour quelques instants, mais ensuite je vais l'éteindre et nous n'aurons plus besoin de cela. Tournez s'il vous plaît avec moi dans l'Apocalypse, le chapitre 11e et le verset 15e. Nous avons vu aussi à partir du chapitre 9e, le verset 12e, qu'il y avait 3 malheurs annoncés. Au chapitre 11e, le verset 14e nous dit, « Le second malheur est passé, voici le troisième malheur vient bientôt. » Et au verset 15e du même chapitre commence, « Le septième ange sonna de la trompette. » Alors, c'est cette trompette ici. Juste avant la trompette, il y avait une pause, chapitre 10 et chapitre 11e jusqu'au verset 14e. Maintenant, ce qui est très intéressant de constater que la trompette sonne au chapitre 11, verset 15, puis ensuite les chapitres 12, 13, 14 et 15, nous sommes conduits à nouveau derrière les coulisses des choses visuelles sur la terre et nous pouvons voir qu'est-ce qui se passe en arrière. Et actuellement, la première coupe qui est versée commence à partir du chapitre 16e. En réalité, les 7 coupes sont toutes versées dans le chapitre 16e. Elles se succèdent une après l'autre, très très rapidement. Alors la succession est très rapide. Alors j'aimerais tout simplement vous dire, les sons de la 7e trompette, ce que nous allons faire pour... pas juste ce soir, parce que ce n'est pas possible de couvrir chapitre 12, 13, 14 et 15. Il y a des choses vraiment merveilleuses que j'aimerais que nous regardions ensemble, que nous commençons à regarder ensemble ce soir, et nous allons faire la suite la semaine prochaine, parce que le chapitre 12e est véritablement un chapitre sur lequel il y a beaucoup des enseignements extrêmement importants pour les enfants de Dieu. Ce soir, je voulais donner comme introduction au chapitre 12e les sons de la septième trompette et souligner quelques vérités, quelques pensées dans les versets qui sont devant nous. Nous allons voir où est-ce que nous allons être capables d'arriver. Quand ce sera le temps, je vais arrêter et nous allons continuer la semaine prochaine. OK, alors, verset 15. Le septième ange sonna de la trompette et il y eut dans le ciel des fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ et il régnera au siècle des siècles. » J'aimerais tout simplement vous rappeler quelque chose jusqu'à présent. Nous avons pu constater que selon la septième trompette, ce jugement des coupes commence. Mais il y a une chose très intéressante à noter ici, à la septième trompette, c'est qu'au chapitre 8, les versets premiers, regardez, un parallèle. Il dit, « Quand il ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. » Vous rappelez-vous de ça? Nous en avons parlé. Alors, l'introduction de la série des sept trompettes débute avec un silence. Maintenant, si vous regardez l'introduction des sept coupes ou les sons de la septième trompette, c'est juste le contraire. Parce que le son de la septième trompette introduit une joie dans le ciel. Tout d'un coup, nous trouvons que dans le ciel, il y a des fortes voix. Un cri, une réjouissance qui disait « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Quelqu'un a suggéré que c'est quelque chose de comparé comme dans les Messie du Handel, le cœur de Alléluia. C'est vraiment une exclamation merveilleuse qui se passe au ciel. Ok, je vais faire la lecture, puis ensuite nous allons revenir et faire quelques commentaires. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu en disant, « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était de ceux que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom. » Les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple, et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, et un tremblement de terre, et une forte grêle. Ok, alors j'aimerais arrêter ici. Il y a certaines pensées, je n'ai pas à vous dire combien de tout de suite, je vais vous les dire tout à l'heure. Première chose que j'aimerais vous faire remarquer, c'est en réalité la joie dans les ciels et sur le fait que le royaume du monde est maintenant remis au Seigneur Jésus. En réalité, ce qu'il est en train de dire, le temps n'est plus un facteur. On a attendu assez longtemps. La grande tribulation ou le temps de cette année va se dérouler maintenant très très rapidement et l'aube du matin apparaît. Alors il a de la joie dans les ciels parce que le temps, c'est vraiment, il n'y a plus de question. Deuxième chose que nous remarquons au sujet de ce royaume du monde, qu'en effet, il s'agit non seulement d'un royaume, on peut les regarder en singulier ou en pluriel, mais ça revient exactement à la même chose. Si c'est le royaume, certainement le Seigneur Jésus a le royaume dans son ensemble pour régner. De l'autre côté, ça comprend aussi le royaume individuel. Nous devons constater que la raison pour cela, en réalité, c'est que les royaumes de ce monde étaient contrôlés jusqu'à là par l'adversaire, le diable, qui dans pendant la tentation, a offert au Seigneur Jésus tous les royaumes, toute la gloire et les richesses du royaume, parce qu'il dit, cela m'a été donné. Maintenant, il dit, le jour est arrivé où le Père va donner les royaumes à son Fils. Et il y a certains passages qui, à ce moment, vont s'accomplir. Et j'aimerais prendre le temps avec vous, pas tout simplement vous dire, il y a des passages qui vont s'accomplir. Ça passe par, ça entre par une oreille, puis ça sort en même temps par l'autre oreille. J'aimerais que vous preniez quelque chose pour marquer dans votre Bible certains passages. Avez-vous déjà lu les psaumes? Ok, les psaumes deuxième. Vous pouvez lire les psaumes et vous allez trouver des choses merveilleuses dedans. Mais je ne vais pas faire la lecture du psaume deuxième. Je vous les réfère. Je vais par exemple, je vais néanmoins vous demander de tourner avec moi dans les livres de Daniel. Les livres de Daniel, s'il vous plaît. Et dans les livres de Daniel, nous allons commencer avec le chapitre deuxième. Vous rappelez-vous, si vous avez déjà lu les livres de Daniel, vous rappelez-vous que le roi Nebuchadnezzar, le roi babylonien, il a vu une grande, grande statue. N'est-ce pas? La tête de cette statue était en or. Le tronc ou la poitrine de cette statue était en argent. Puis, en airain, puis après, en fer, l'argile. Alors, il dit que c'était quatre royaumes représentés, quatre royaumes du monde. Mais ce qui est très intéressant, c'est que pendant que les rois ils voyaient cette statue, il y a quelque chose qui est arrivé. Pardon? Ok, ils voyaient une pierre qui s'est détachée d'une montagne, s'est roulée et a frappé cette statue qui était réduite en morceaux. Chapitre 2e, le verset 31e. Au roi, Daniel parle maintenant, chapitre 2, verset 31. Il dit, « Au roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent et son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais, et ainsi de suite, il dit, au verset 35, il dit, « Alors, le fer, l'argile, l'airain, l'argent, l'or furent brisés ensemble en et dévarins comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. » J'ai manqué le verset 34, c'est ça? Tu regardais lorsque une pierre se détacha sans le secours d'une main, frappant les pieds des fers, d'argile et de la statue et les mit en pièces. Ok. Si vous regardez dans ce même passage, un petit peu plus loin, vous allez trouver quelque chose de très intéressant, verset 44. Il dit, dans les temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous les royaumes-là. Hein? Et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue de se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main. Alors cette pierre, ça c'est quelqu'un que nous connaissons et que nous aimons, que nous appelons les rois des rois et les seigneurs des seigneurs. Si vous tournez la page, vous allez trouver dans le chapitre 4e, chapitre 4e, quelque chose qui est fort semblable. Il dit au verset deuxième, il dit, il m'a semblé bon de faire connaître, c'est le roi Nebuchadnezzar maintenant, qui est en train de publier un édit et qui dit il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opérés à mon égard. Que ces signes sont grands, que ces prodiges sont puissants. Son règne est un règne éternel et sa domination subsiste de génération en génération. Puis ensuite, il continue. Mais ce qui est très intéressant de constater, c'est quand il parle de son règne ou de son royaume. Chapitre 4, le verset 3. Maintenant, si nous allons un petit peu plus loin, au chapitre 6e, et à travers de Daniel, ça c'est son thème. Chapitre 6, les versets 25e. Vous allez remarquer tout d'abord qu'il y a des changements des rois. Ce n'est plus Nebuchadnezzar, c'est Darius le Mède. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toutes langues qui habitaient sur toute la terre. Que la paix vous soit donnée avec abondance. Il dit, j'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel. Pourquoi? Parce que nous avons trouvé que Daniel a vraiment fait preuve de sa fidélité au Seigneur et au roi. Il était mis dans la fosse aux lions, malgré que les rois voulaient les épargner de cela. Mais Dieu l'a épargné. Alors maintenant, le roi Darius, il écrit à ce sujet et il ordonne dans tout son royaume, l'étendue de tout son royaume, qu'on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel. Pourquoi? Car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Il dit, son royaume ne sera jamais détruit. Hein? Et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve. Et ainsi de suite. Ça, c'était chapitre 6. Chapitre 7e, il y a quelques versets que je voulais vous faire remarquer. Et entre parenthèses, chapitre 7, vous allez voir que Daniel voyait cette vision de ces quatre animaux qui ressemblaient, si je puis dire, à ceux que nous avons déjà vu précédemment dans la statue. Mais ensuite, il dit encore, dans le verset 9e, il voyait l'Éternel. Puis ensuite, au verset 13e, il dit, « J'ai regardé pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriver quelqu'un dessemblable à un fils de l'homme. » Remarquez que c'est celui qui est semblable. Il n'a pas dit « c'est un homme ». C'est quelqu'un qui est semblable à un fils de l'homme. Il venait sur des nuées, il s'avança vers l'Ancien des Jours, vers Dieu le Père, et on le fit approcher de lui. On lui donna, quoi, la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations, les hommes et toutes les langues les servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Ça, c'était le verset 14e. Allez-y un peu plus loin. Et si vous pouvez lire ça peut-être à un moment donné, c'est très, très intéressant. Après, il nous parle des servants qui... de l'Antéchrist. Mais au verset 25e, il dit, « Il prononcera cet Antéchrist, prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. » Qu'est-ce que ça ressemble à l'Apocalypse, hein? Non? un temps, deux temps et la moitié d'un temps. Ça fait trois temps et demi. Puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Verset 27. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux. Alors là, on ne peut pas dire qu'il s'agit du royaume dans les cieux, parce qu'il est dit très clairement que ce sont les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints. C'est qui ça? Le peuple du Saint du Très-Haut, juif. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs les serviront et lui obéiront. Et là, quand on regarde dans les livres de l'Apocalypse, nous trouvons quelque chose qui ressemble tellement, n'est-ce pas, à ça. Et en réalité, nous trouvons que c'est cela, c'est vraiment l'accomplissement. Puis vous pouvez lire encore dans le livre de Zacharie, chapitre 14, versets 2, 9 et 10. Mais je vais me contenter en disant cela. Alors c'est donc la première des choses qu'il dit au verset 15. Les royaumes du monde est remis à notre Seigneur et son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Donc le temps arrive, hein, où le Seigneur Jésus va être roi de toute la terre. Et non seulement qu'il va régner sur la terre pendant 1000 ans, il va régner désormais éternellement. Ça, c'est merveilleux, première des choses. Deuxième chose que nous regardons, remarquons au verset 16. Verset 16, il nous dit qu'il voyait ces 24 vieillards. Et en réalité, nous avons déjà lu 7 fois mention à leur égard. 7 fois, il les a déjà mentionnés. Et nous le trouvons à nouveau, ces 24 vieillards, adorer l'Éternel, adorer celui qui est, qui était, ou plutôt qui est, qui était-été. C'est toujours nous, toujours l'Éternel présent. Psaume 2, verset 9, s'accorde magnifiquement avec ça. Il nous parle de sa puissance, déclarée ici dynamique, puissance, la toute-puissance, son autorité, sa capacité, son droit, son pouvoir d'agir. Troisième chose que j'aimerais vous faire remarquer, c'est au verset 18e maintenant. Au verset 18e, il nous dit que les nations se sont irritées. Le fait que le Seigneur Jésus prend le contrôle, ça soulève une rébellion dans l'homme rebelle. Et d'ailleurs, aujourd'hui, tous les temps, on peut voir cette résistance contre Dieu, contre le Seigneur Jésus constamment. Mais à ce moment, ça va être pareil, comme si je puisse dire, comme quelque chose qui ne peut se plus contenir, qui éclate. Hein? Alors, il nous dit que les nations sont en colère. La colère de l'homme est une colère impotente, impuissante. La colère de Dieu est une colère omnipotente, n'est-ce pas? Ensuite, la chose suivante que je voudrais vous faire remarquer, encore dans ce même verset, il nous dit non seulement que les nations sont très irritées en colère, mais que la colère, ta colère, est venue. Elle est en train de juger. Les morts aussi est venu. Au chapitre 16, regardez, c'est là où commence l'ouverture des... pas l'ouverture, je suis habitué de dire l'ouverture des sceaux. Alors, au chapitre 16, il dit, « Et j'ai entendu une voix, verset 1er, « Et j'ai entendu une voix forte qui venait du temple » et qui disait aux 7 anges, « Allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. » Nous avons dit que le chapitre 15 ou chapitre 12, 13, 14 et 15 forment la pause. Nous regardons tout simplement en arrière des coulisses des choses qui sont en train de se dérouler. C'est un coup d'œil en arrière. Alors, il nous parle ici dans l'ouverture ou le son de la septième trompette de cette colère qui, tout à l'heure, dans le chapitre 16e, va commencer à se dérouler. Entre les temps, nous regardons cette parenthèse. La colère. Sa juste colère contre les péchés, contre la rébellion. En réalité, la patience de Dieu qui était prolongée tous les constamment, comme dans les temps de Noé. Dieu a prolongé sa patience. Il a patienté longtemps. Mais à un moment donné, cette plénitude des temps ou la plénitude de la patience de Dieu, la coupe déborde. Avez-vous déjà vu l'eau dans un verre, plein, plein, plein, puis vous mettez goutte par goutte, puis vous voyez l'eau vraiment tassée là-dessus, elle est vraiment plus haute que les bords. Mais vous pouvez ajouter goutte par goutte, et tout d'un coup, une goutte fait déborder la vase. Les Anglais disent que c'est une paille qui brise les dos d'un chameau. C'est ça? C'est la paille, une paille de trop. Hein? Une goutte de trop. Alors ici, nous pouvons voir, en effet, là, c'était vraiment, c'est la conclusion, la patience de Dieu est à son terme. Dieu est un Dieu d'amour, mais c'est vraiment de quelque chose de constater que Dieu n'est pas tout simplement un Dieu d'amour, Dieu est aussi un Dieu de justice. Quel est le verset le plus frappant qui nous exprime l'amour de Dieu? Jean 3,16. Bon, alors, tournez-y dans Jean 3,16. Et Jean 3,16 nous dit, « Car Dieu a tant aimé le monde. Et parce qu'il a aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Mais dans ces mêmes chapitres, 20 versets plus tard, c'est ça, verset 36, il dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Ça, c'est l'amour de Dieu. Mais il dit, celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie. Qu'est-ce qu'il verra? La colère de Dieu. La colère de Dieu qui demeure sur lui. Alors, pendant des millénaires et des millénaires et des millénaires, pendant des années et des années et des années, Dieu patiente. Dieu patiente dans des vies individuelles. Il a patienté avec moi. Il a patienté avec mon père. Il a patienté avec mes enfants. Il patiente avec vous. Il a patienté. Mais gloire à Dieu pour ceux qui, au fond, ont profité, ont joui de la patience. Mais les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux, qui dédaignent la patience de Dieu, un jour, vont avoir affaire avec la deuxième moitié de ces versets, avec la colère de Dieu, et les nations, et les mondes. C'est de la même façon. Dieu a patienté. L'apôtre Pierre nous dit, hein, que les hommes disent, oh, les choses n'ont jamais changé. C'est toujours les mêmes, comme c'était il y a 1000 ans, ça ne change rien. Mais ils veulent oublier une chose. Ils veulent oublier que Dieu ne veut pas qu'aucun périsse, mais qu'il patiente, il patiente, il patiente, il patiente. Mais un jour, cette patience va arriver à son terme. Et ça va déclencher le jugement, la colère de Dieu. Vous rappelez-vous, une fois, et ça fait quelques années de ça, pas loin de chez nous, à quelques maisons de chez nous, il y avait un voisin, je ne sais pas, il réparait quelque chose après sa maison. Il a mis son échelle contre l'arbre ou contre la maison, puis il est monté dessus. Puis, son échelle a glissé. Il s'est poigné après les fils électriques. Devinez qu'est-ce que ça fait. Moi, exactement ça. Dans l'Ancien Testament, un jour, il y avait des Israélites qui transportaient l'Arche de l'Alliance, qui était chez les Philistins. David leur a demandé de ramener l'Arche de l'Alliance à Jérusalem. Il y avait un homme qui voyait ses chars tirés par des vaches, qui voyait sur ces chars qui allaient tomber. Uzza, je ne sais pas, maladroit, non, ce n'était pas maladroit. Il voulait empêcher que les Dieu est patient, mais Dieu est saint. J'aurais donc voulu vous lire ce que Daniel nous dit au sujet de la sainteté de Dieu. La parole de Dieu nous dit que c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant, qui est un feu dévorant. La colère de ce Dieu, à ce moment-là, il dit venu. Esaïe dit, les jours de l'Éternel, les jours de la colère est venu. Dans ce même verset, il nous dit que c'est le temps de juger, le temps de jugement. Et ce qui est merveilleux de constater, c'est que les enfants de Dieu ne seront pas jugés. Parce que le Seigneur Jésus a dit, c'est lui. En vérité, je vous l'ai dit. Celui qui, pouvez-vous le dire avec moi? Jean 5, 25, 24. Celui qui écoute ma parole, qui croit en celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement. Il est passé de la mort à la vie. Hein? En plus de ça, si vous regardez dans les chapitres 20e de l'Apocalypse, tournez pas tout de suite là, parce que ça nous prendrait du temps. Tournez pas. Mais je vais vous le dire. Dans les chapitres 20e de l'Apocalypse, vous allez trouver qu'avant l'établissement du royaume des 1000 ans, il y a la première résurrection. Et c'est à ce moment-là que les enfants de Dieu ressuscitent. Pas pour aller dans les jugements, mais pour aller et pour régner avec le Seigneur Jésus. Les autres morts, les inconvertis, vont revenir. Ils ne parlent pas qu'ils vont revenir à la vie, parce que la vie, c'est le bien. Mais ils vont revenir au jugement. Revenir au jugement, à la condamnation, pour entendre les verdicts de leur condamnation, de ce qu'ils ont vraiment mérité. Ce qui est très intéressant encore de constater au verset 18e, il y en a des choses au verset 18e, hein? Non seulement qu'il dit au verset 18e que les nations sont irritées, sont en colère, que la colère de Dieu est venue, que le temps de juger est venu, le temps de juger les morts est venu, mais aussi il dit que le temps de récompenser les serviteurs, les prophètes et les saints et de ceux qui craignent son nom, leur temps aussi est venu. Puis ensuite alors, il dit dans ces mêmes versets, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Et le temps est aussi venu. Puis, au verset 19e, il dit, et le temple de Dieu dans les cieux fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Merveilleux. Dieu n'a pas oublier son alliance, ses promesses. Tout un coup, cette l'arche, cette alliance est en évidence. Chapitre 12e commence comme ça. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait les tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Les dragons s'étendent devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant. Lorsqu'elle aura enfanté, elle enfanta un fils, littéralement un fils mâle, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Qui sait encore? Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle fût nourrie pendant 1260 jours. Un temps, deux temps et la moitié d'un temps. Hein? Un temps, deux temps et la moitié d'un temps. Ça fait encore la même chose. 1260 jours correspond à 3 ans et demi ou à combien de mois? 42 mois. Hein? Vous ne trouvez pas que c'est très intéressant? OK. Je ne vais pas vraiment entrer trop en détail, je vais juste vous faire une petite introduction. Dans ces chapitres ici, il y a des choses qui sont extrêmement intéressantes. Alors, il importe ici d'identifier les personnages d'abord. C'est ça que nous allons faire. Nous allons identifier les personnages. Qui étaient les personnages ici? Il y avait une femme enceinte, puis il y avait un enfant mâle, puis il y avait un dragon rouge. Alors, nous voulons identifier ces trois personnages, puis ensuite, nous voulons aussi regarder quels étaient les rôles. Quel rôle que ces trois personnages jouent. Puis après, la troisième question que nous voulons nous poser, c'est quelle est la leçon pratique que nous devons en tirer. C'est ça, c'est trois choses que j'aimerais que nous fassions. Alors, en regardant derrière ces coulisses, nous pouvons voir ces choses, ces trois personnages. Hélas, je ne pense pas que c'est le temps ce soir de faire ça. Mais, en attendant, avez-vous déjà vu une image d'un peintre renommé qui représentait la Vierge? Comme étant la reine sur les globes ou qui devait enfanter et qui, au fond, c'était... Ouais. Alors, ça, c'est une des... Comment ça s'appelle? Une des propositions, c'est une des... une avance, que ça c'est la Vierge Marie. Je ne crois pas, par exemple, je voudrais que vous sachiez. Mais en réalité, c'est mieux qu'on arrête ici. C'est mieux d'arrêter sur l'appétit, parce que comme ça, je sais que vous allez venir la semaine prochaine. Pardon? Ah, je ne sais pas. Est-ce que c'est enregistré? Bon, paraît que c'est enregistré. OK. Alors, avant que je laisse ma place à mon collègue,